Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci une fois de plus. Et merci, merci. Le sujet du jour, donc, disais-je, la limite des connaissances. Mais pourquoi on dit que les connaissances ont des limites? Nous allons découvrir la limite des connaissances. Le sacré, le secret est le sacré. Bien. Est-ce que nous avons suffisamment du monde là pour que je puisse démarrer? Et vous serez surpris que ce ne serait pas trop long. Je vous remercie, donc, d'être ici présent. Nous allons tout de suite démarrer. La limite des connaissances. La connaissance, c'est très beau. Comme vous le savez, la connaissance, c'est cela qui fait de vous un homme. Car quand vous ne connaissez pas, vous êtes un ignorant. La connaissance, il y en a plusieurs formes de connaissance. Connaissance avec pluriel ici, bien sûr. D'abord, lorsque vous naissez, il y a déjà des connaissances naturelles. Ces connaissances naturelles sont des connaissances de bouche à oreille. C'est d'abord la connaissance des parents. Le bébé commence déjà à avoir accès à la connaissance. Il rentre en communion avec son environnement direct. Mais cette connaissance, elle est tout à fait latente. Elle est latente. Oui, car nous ne pouvons pas percevoir, nous ne pouvons pas encore comprendre. Voilà pourquoi je dis, c'est une connaissance à l'état latent. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on a accès à certaines connaissances. Et pour nous autres qui avons grandi au village, la connaissance est tout simplement transmise de bouche à oreille. Ces connaissances qui sont transmises, pardonnez-moi, ces connaissances qui sont transmises donc de bouche à oreille, ce sont les connaissances que, naturellement, nos ancêtres, je voulais dire nos parents, nous lègue autour du feu. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais moi, c'était comme ça se passait. C'était autour du feu, au village. Autour du feu, le grand-père était là, et puis voilà comment on nous transmettait ses connaissances. D'accord? Donc, autour du feu, on nous donnait certaines informations. Et comme je l'ai dit dans l'un de mes enseignements, l'information est l'outil indispensable pour votre transformation. Et quand on parle de transformation, ce sont des transformations mutatoires. C'est-à-dire, ce sont des transformations qui ont un rapport avec le changement véritable. Et quand on parle d'un changement véritable, c'est-à-dire, c'est par rapport à la vie. Car la vie était un ensemble de données. Tout vibre et tout est énergie et tout est esprit. C'est cela, la vie. Mais il faudrait que le nouvel être qui est dans cette vie, parce que nous sommes tous dans la vie, et nous sommes tous partie de cette vie, mais nous sommes la vie également. Maintenant, pour pouvoir muter, pour pouvoir fondre dans cette vie, il n'est pas très facile. Et j'ai entendu des personnes dire, mais mon Dieu, la vie n'est pas facile. Mais la vie n'est pas facile, pourquoi ils le disent? Posez un peu la question à ces personnes qui disent, la vie n'est pas facile. Mais cette vie n'est pas facile, non pas forcément à cause de la vie. Car la vie elle-même, elle n'a jamais rendu la vie difficile à quelqu'un. Peut-on définir ce que c'est la vie? Je l'ai dit, si vous m'avez bien suivi. Et je ne vais plus revenir dessus. La vie, c'est justement tout ce qui contribue à l'existentialité. Et tout ce qui contribue à l'existentialité à travers les quatre éléments. L'élément eau, l'eau, d'abord en tant que matière, nous fournit tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et d'ailleurs, les scientifiques disent que la vie a commencé dans l'eau. N'est-ce pas? Et cela a été prouvé scientifiquement parce que même au niveau de la Kabbale, et vous savez ce que c'est la Kabbale. Dans la Kabbale pratique, on nous explique que lorsque vous faites la technique d'intériorisation et d'intégration l'organisation absolue de tout cet univers, c'est-à-dire en tant que microcosme dans le macrocosme, eh bien, on vous demande de vous représenter comme étant ce grand arbre, l'arbre qui est symbolisé par une croix. Effectivement, vous vous mettez debout et puis vous vous mettez comme ci. Et au centre, il y a ceci, mais au-dessus de votre tête, on nous dit qu'il y a quoi ? Il y a le feu. Il y a le feu au-dessus de votre tête parce que, effectivement, quand vous remarquez bien l'arbre de la Kabbale, il y a le premier triangle, la triade qu'on appelle la triade supérieure, qui est la couronne de vie, qui est la manifestation absolue, une autre manifestation de celui que nous appelons Dieu. Ce n'est qu'une manifestation de lui, car tout ne commence pas par là. Mais nous, au niveau du plan matériel des autres univers, y compris notre système galactique composé de 12 planètes, nous dépendons justement de cette triade supérieure. Mais la manifestation de la triade supérieure, comme je disais, étant d'une émanation divine quelconque et ignorée des commets des mortels, voilà pourquoi on dit nul ne peut voir Dieu et nul ne peut accéder à lui dans son domaine. Voilà l'élément haut qui se trouve sous vos pieds. Mais cet élément haut, selon la Kabbale, qui se trouve sous vos pieds, ça indique tout simplement, comme il est écrit dans certains livres saints, que la terre est le marchepied de Dieu. Mais la terre elle-même, elle a commencé où ? Mais la terre, elle a pris la vie à partir de l'eau. Oui, cela va surprendre certaines personnes. Parce qu'au départ, lorsque Teta Mwanga crée tout, le grand créateur de l'univers, il se concentre au centre de tous les univers, et par cette concentration, eh bien, l'accumulation de les énergies de sa concentration vont créer ce qu'on appelle le fameux Big Bang. Et de ce Big Bang, donc, il y a eu des éclatements. Et ces éclatements ont créé des magmas, ont créé, des volcans. Oui, les volcans, vous voyez à travers le monde, c'est le résultat de l'éclatement de cette énergie. Voilà pourquoi certains grands savants du 16e, 17e siècle ont dit que l'atome est composé de plusieurs éléments. Et que l'on nous dira qu'à partir de la définition de l'atome, un élément divisible par lui-même est plus petit, infiniment petit, mais qui aujourd'hui est composé de près de 116 éléments, et de ces éléments qui contribuent à la survie et à la vie de l'homme. Donc, la vie est même dans l'atome qui est composé de 116 éléments, y compris l'hélium, y compris le coltan, celui à base desquels le téléphone est fabriqué. Celui à base desquels les portables sont fabriqués. Voyez-vous ? Et ça, c'est la vie. Mais est-ce que nous voyons à l'œil nu ces éléments au départ, quand on parle de l'atome ? Non. Mais nous les subissons. Mais nous les découvrons par la matérialisation. L'élément eau, justement, parle l'élément eau, n'est-ce pas? Il contribue à la vie, il contribue à beaucoup de choses, des baptêmes, symbolisant la purification. Par la même eau, nous allons au-delà de la matière et nous partons à l'élément eau en tant qu'énergie. Et nous avons, au cours de mes enseignements, dans mes forums et ici sur cette chaîne, j'ai donné une technique comment vous pouvez vous remplir de cette énergie. Là, on rentre dans le domaine du secret. Mais c'est un secret qui peut être accessible. Car le simple fait de vous mettre sous la douche et laisser couler l'eau sur vous et vous commencez à intérioriser et à parler, là c'est un domaine du secret qui peut être partagé. Mais s'il faut aller au-delà de l'élément eau, des élémentaux qui gardent l'élément eau, c'est-à-dire des esprits, des minuscules esprits, que nous appelons des ondines. Mais ces ondines qui se cachent derrière l'élément eau, là c'est le domaine du sacré. Certains initiés, y compris votre humble serviteur, prenons le temps à communiquer avec ces ondines. Mais là, c'est du domaine du sacré. Malheureusement, je ne peux pas parler de ce genre de choses ici. Il faudrait alors avoir accès à un cercle d'initiés. Le cercle d'initiés, comme je le disais au départ, la connaissance étant évolutive, latente. Mais quand elle est latente, en fait, ça vous permet d'absorber des connaissances qui vous sont accessibles sous couvert des parents, sous couvert de l'expérience. L'élément, je vais vous parler du deuxième élément, l'élément terre. Maintenant, quand on rentre dans le domaine de l'élément terre, vous voyez qu'il y a beaucoup de mystères, n'est-ce pas? L'élément terre contribue également à notre vie. Cet élément terre contribue à notre vie comment? Mais parce que la mère terre, et là je vous ai montré un exercice, qui est du domaine du secret, mais je me suis permis de vous partager cette connaissance. Souvenez-vous, j'étais dans la forêt. Là, dans cette forêt, je vous ai démontré une technique, comment vous pouvez vous remplir de l'énergie de la mère nature. C'était une technique qui vous permet de prendre l'énergie de la mère nature avant de pouvoir fusionner et de retourner. Nu, vous êtes sorti du ventre de votre mère, Madame Matsanga, et nu, vous retournerez dans le ventre de la mère nature, la mère terre, avant de pouvoir transiter vers le Père Céleste. C'est ainsi que cette technique vous permet de vous harmoniser, vous, parce qu'un fils ne peut pas exister sans un père et une mère. Et ça m'a amené dans un enseignement que je vous avais donné la dernière fois, toujours dans le domaine du secret, mais que j'ai divulgué, que la fameuse Trinité, en fait, n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais que la Trinité se résulte tout simplement de la relation du Père, du Fils, du Père et de la Mère. Et la résultante de cette relation père-mère, le yin et le yang, va contribuer à l'existentialité d'une autre énergie vivante qu'on appelle le Fils. Donc, voilà notre triangle, et puis voilà notre, finalement notre trinité. La matière nous offre tout, c'est-à-dire l'élémentaire. Mais cet élémentaire, au-delà des richesses qu'elle nous offre, à travers l'atome, 116 éléments sont disponibles, c'est-à-dire le plomb, l'or, les diamants, le coltan, et bien d'autres, j'en passe, c'est celles-ci qui nous permettent de mieux jouir de la vie. Donc vous verrez, vous voyez que je reviens encore à l'élément vie pour dire que la vie, c'est tout. La vie est dans l'eau, la vie est dans la terre. Prenons l'élément feu. L'élément feu, eh bien, elle est symbolisée par le soleil, elle est symbolisée par la chaleur dans notre corps, elle est symbolisée par l'énergie. Mais elle est également symbolisée par mal de trucs. Lorsque autour du feu, une fois de plus, les parents vous demandent de vous asseoir, nous qui avons grandi au village, vous vous retrouvez autour du feu. Et quand vous asseyez autour du feu, la connaissance, elle est passée. Là, la vie est transmise. Parce que la connaissance, c'est aussi la vie. Car sans connaissance, vous êtes des morts vivants. Sans connaissance, vous n'avez aucune vie. Donc, dans la connaissance également, il y a la vie. Mais il y a connaissance et connaissance. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, je décide de vous parler des limites des connaissances. Les connaissances que nous, initiés, on vous fait passer à travers le discours. Mais en réalité, sachez que le discours détruit. Et le discours, c'est pas bon. L'esprit n'aime pas le discours. Donc nous avons pris le risque de venir vous transmettre ces connaissances en passant beaucoup d'heures. Et c'est pour cette raison, les entités hier soir m'ont parlé et m'ont dit « Désormais, il faut limiter ton discours à 30 minutes maximum. » Est-ce que je pourrais aujourd'hui? C'est un grand challenge. Je ferai de mon mieux. Nous passons donc au troisième élément. Donc, je disais, c'est l'élément feu. Donc, l'élément feu qui symbolise la vie. Et maintenant, dans le domaine du secret, il y a des entités qui sont là. Maintenant, quand je rentre dans le sacré, je ne peux pas me permettre de développer le sacré parce que l'élément feu a des entités très puissantes, lesquelles entités d'ailleurs contribuent à la colère des dieux. Et ce sont ces entités que le créateur des cieux et de la terre, selon certains secrets, selon certains systèmes sacrés, quand on parle du domaine du sacré, c'est-à-dire inaccessible au commun des mortels. Et même à travers un live, on ne peut pas vous parler de ce genre de choses. Bon, je parlerai peu de l'élément air, car cet élément air est complexe. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous fabriquons, souvent l'élément air, il participe rarement. Car il est du domaine de l'esprit. Il est du domaine de la vie. Mais la vie, on la retrouve également dans les autres matières. Bien, je vais vous montrer quelque chose que je porte en moi. Et je tiens ici à remercier la personne qui a fabriqué ce beau dessin. Vous voyez, il y a un perroquet et il y a un masque. Bon, c'est vrai que ça parle de bien. Ça, c'est quand j'étais au Gabon. Merci beaucoup pour celui qui m'avait offert ça. Vous avez le perroquet et vous avez un masque. Chez nous, le peuple gallois, puisqu'il s'agit du peuple gomienais, mais vous verrez que le couilli, puisqu'il s'agit de le couilli ici, le couilli est composé de plusieurs éléments. Il y a le raffia, il y a le masque, il y a d'abord son habillement, c'est le raffia. Ensuite, il y a les éléments qu'il attrape à la main, comme je vous avais dit la dernière fois, que lorsque vous voulez calmer la colère d'un gouri ou bien le faire fuir, vous allez prendre des branches d'un arbre, et lesquelles branches là, vous les secouez, et le gouri va fuir. Mais entre vos mains symbolise beaucoup de choses. Donc, chez nous, dans le quiz, ça symbolise beaucoup de choses. Ça, c'est les choses du secret que je vous en parle, mais je ne rentre pas dans les détails. Voyez-vous, maintenant, le masque des Gallois, je suis bien précis, je ne parlerai pas du masque Kota. Je vais parler du masque Gallois, par exemple, non pas rentrer dans le domaine sacré, car ce serait un sacrilège et j'aurais des problèmes avec mes parents Gallois. Mais je vous dirai seulement que observez bien le masque, car sur le masque, il existe 8 facettes. Le masque a 8 facettes. Mais qu'est-ce que c'est le nombre 8? Bien, ça m'amène dans l'Antiquité et de comprendre que là-bas, on nous explique que le nombre 8, en fait, symbolise le tout, dans le tout, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors, ça donne un sens à la prière qui avait été modifiée par nos frères chrétiens, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Voilà pourquoi, dans l'Antiquité, c'est un rite secret, mais que je vais divulguer. Souvent, on commençait à écrire le 8 par le bas. On commence ici, un 0 en bas, et ensuite, on partait en haut, pour clôturer et revenir au centre. Voilà, simplement, le nombre 8. Je vais revenir. Je reviens encore pour venir vous expliquer comment on écrit le nombre 8. Je vais récupérer ma chaise. Le nombre 8, donc, pardonnez-moi, il part d'ici. Voilà le nombre 8. J'ai décrit le nombre 8. Mais savez-vous que ce nombre 8, c'est le nombre de la perfection? Pourquoi la perfection? Parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, on fait appel à la volonté de Dieu. Et ça, c'est du domaine du secret. Mais maintenant, s'il faut aller dans les détails, ce serait beaucoup plus sacré pour pouvoir percer la profondeur de cela. Mais ici, ça vous donne un aperçu de ce que c'est. Donc, le nombre 8, on le retrouve sur le masque des Gallois. Effectivement, vous verrez bien qu'il y en a 8 facettes. Mais enfin, ce qui frappe la vue de l'homme général, c'est 4. Mais vous verrez qu'en dehors des 4, donc le front, le bas, les deux côtés, mais il y en a 4, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui sont vraiment initiés, ceux qui ont l'œil qui voit, que ce soit initié dans des rites, le bouti et autres, lorsqu'ils regardent le masque, que ce soit le masque pour nous, le masque gallois, le masque kota, je parle du masque gallois parce que mon père, il est gallois. Vous verrez les grands mystères qui se déclenchent. Alors, ai-je offensé mes frères initiés du bout de l'Okui? Non, parce que là, je suis rentré dans un symbole un peu secret, mais inaccessible au sacré. Maintenant, si vous voulez comprendre le côté sacré, en ce moment, initiez-vous. Bien, qu'est-ce que je veux dire dans cet enseignement, puisque je vous ai promis 30 minutes? Ça veut dire que les connaissances que nous, initiés, on vient vous faire passer. Et quand je parle d'initié, avec S à la fin, c'est initié à la véritable connaissance. La connaissance transformatrice, c'est la connaissance qui vous amène à l'élévation de votre âme. Or, il n'y a point de connaissance sans rituel. Ça, c'est M. Moreau Nouvier et ça n'engage que moi. Je répète qu'il n'y a point de connaissance mystico-spirituelle sans rituel. C'est-à-dire, il ne peut y avoir une véritable connaissance qui va élever votre âme sans pourtant qu'on vous donne des accessoires, sans pourtant des techniques que vous devez faire chez vous. Par contre, la connaissance livresque, qui est sanctionnée par les écoles conventionnelles des rangs, cette connaissance, c'est le livre qu'on vous donne. Cette connaissance, elle est mesurée en degrés, elle est mesurée en termes de classe. CP1, CP2, CE1, CE2, et ainsi de suite, 6e, 5e, 4e, terminale, université. Université, première année, deuxième année, tronc commun, et puis en année de spécialisation, et en année pratique, et enfin expérimentale, pour être confirmé dans votre connaissance. Donc, vous avez subi une forme de connaissance, mais qui est une connaissance purement conventionnelle sur la connaissance générale. Mais c'est la même chose dans le monde du secret, dans le monde de la spiritualité. Le monde de la spiritualité, les connaissances qu'on vous donne, certes, certaines vont vous aider simplement à avoir accès, à comprendre mieux la vie par le système des astuces. Ces astuces, on les appelle les fétiches. Les fétiches, c'est tout simplement un ensemble d'astuces qui vous permettent de manipuler les forces de la nature et de pouvoir mettre la nature en harmonie avec vous et que la nature vous donne gentiment ce que vous désirez par le nombre 8 qui se retrouve sur le masque des Gallois, dont je suis fier. Voyez-vous, parce que le nombre 8, comme on l'a dit, et ce nombre 8, on le retrouve également sur, vous l'avez constaté derrière moi. Vous l'avez constaté derrière moi, regardez bien le tableau qui est derrière vous. Vous verrez que le nombre 8 y est représenté expressement. Le nombre 8 est représenté expressement. Est-ce que j'ai laissé ça? J'espère que... Ok. Regardez bien. Le nombre 8 y est. Je ne sais pas si vous le voyez. Originellement, voici la croix. Le nombre 8 y est. Mais sur cette croix, qui est à la fois sacrée, mais il y a aussi des secrets. On appelle ça la croix de Hank. Vous verrez beaucoup de nos frères kémites qui vont vous donner des exposés, faire des discours. Trop de discours. Je vous dirai, nos discours fatiguent l'esprit. On n'a pas besoin de discours. La vie est ici. Un véritable initié vous dira que la vie est ici, symbolisée par le 8, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour dire que normalement, en tant qu'entité divine, vivant dans un corps victime de la matière et de l'espace et du temps, mais vous, vous n'êtes pas victime de cela. Alors, la limite de la connaissance, elle s'opère de la manière suivante. Lorsque un initié vient vous donner des connaissances, passe des rituels, c'est bon, ce sont des secrets qui vous aident. Mais dans le domaine du sacré, c'est différent. Le sacré, c'est la phase expérimentale. Voilà pourquoi dans la définition de mes enseignements sur l'initiation douce, j'ai toujours dit, il y a trois P. Le premier P qui est le P de la préparation, c'est préparer le chemin. Cette préparation du chemin, c'est pour essayer de découvrir l'autre qui est en vous. Et ensuite, il y a la purification. La purification, donc, c'est pour purifier. Tout comme lorsque on fabrique, je vous informe que ceci, c'est de l'or pur. Hein. Ce n'est pas du métal simple, c'est de l'or pur. D'accord? Tout comme ceci, c'est de l'or pur. Et cet or, il a fallu un grand travail. Enlever toutes les scories, toutes les saletés, brûler et en faire un métal propre. La connaissance, donc, ésotérique, sous couvert du secret qu'on vous fait passer, elle est là simplement pour éveiller. Donc la purification, vous voulez je dire, elle est là pour vous éveiller. Et cette purification, donc, veut dire que on est en train d'enlever toutes les scories. Et toutes ces scories, ce sont les transformations, ce que l'apôtre Paul appelle dans la Bible l'alchimie spirituelle. Mais cette alchimie spirituelle, c'est la destruction du vieil homme. La destruction du vieil homme veut dire simplement la transformation. Mais peu de gens, malheureusement, dans des religions, ils font beaucoup plus de discours. Ils vous diront du secret, au nom de Jésus, on pousse, on tape les prises des gidons. Je ne suis pas contre. Mais en réalité, où est le sacré? Le sacré, c'est ce côté qui doit vous rendre calme. C'est ce côté qui vous permet de maîtriser les forces de la nature et vous ne devez plus trop parler. Une fois de plus, revenant sur ça, j'entends des peuples kémites qui vous parleront de la qui vont faire trop de discours. Mon Dieu, des millions de livres sont disponibles aujourd'hui. Mais regardez la vie de ces mecs. C'est toujours des mecs violents, c'est toujours des mecs des bordéliques. Ils ont mille et une femmes. Ils mènent la vie comme ils étaient avant. Donc cette connaissance leur a amené à découvrir des secrets, mais les grands esprits gardiens de ces connaissances ne peuvent pas leur donner accès au côté sacré. Maintenant, le sacré est du domaine de tout initié qui garde les grands secrets, les arcanes secrètes, mais là où on vous oblige de pouvoir vous faire initier. C'est ainsi, je constate dans mes forums des gens qui me posent des questions. Comment? Mais pourquoi quand vous prenez votre pouvoir, le banji, l'initié demande au banji de faire tel nombre de pas, il faut reculer ceci, cela. Mais mon Dieu, diantre! C'est le genre de choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Non! Il faut être auprès de votre initiateur. Mais moi, je ne peux pas me permettre de vous le dire. Car ça, c'est du domaine sacré. Oh, mais comment expliquer que vous avez dit la dernière fois, il faut bouger. Quand vous donnez, par exemple, des offrandes aux ancêtres, vous devez verser d'abord à gauche et ensuite verser à droite. Ben oui, ça c'est la méthodologie, c'est le secret qui vous est divulgué. Maintenant, du côté du sacré, mais non, je ne peux pas le dire au public comme ça. Pardonnez-moi, la jeunesse d'aujourd'hui vous dirait, oui, mais vous gardez tous les secrets, mais rassurez-vous, je ne suis pas le genre, hein, parce que tous les secrets, presque, je les divulgue. Maintenant, le secret, c'est loin du sacré. Le sacré, c'est le face-à-face, c'est le vis-à-vis que vous-même, vous allez expérimenter. Et une fois, moi qui ai expérimenté cela, vous me demandez, me posez la question, mais maintenant, quand vous avez fait votre voyage, qu'est-ce que votre ancêtre vous a dit? Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous le dire au public. Ça, c'est du domaine du sacré. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous-même, vous fassiez cette expérience. Pardonnez-moi, j'ai débordé d'une minute, de deux minutes, mais voici, j'ai fait l'effort de respecter les consignes de mes ancêtres. Ils m'ont dit désormais, je dois parler en 30 minutes. Voilà donc brièvement le domaine des connaissances. Et dans ce domaine des connaissances, nous avons le secret et le sacré, et que la connaissance, c'est elle qui vous donne la vie. La connaissance, c'est quoi? Connaissance égale transformation. Et quand on parle de transformation égale, rentrer en possession des secrets de la vie pour vous permettre de vivre en harmonie avec le tout. Aujourd'hui, le nombre que je vous ai révélé, c'est le nombre 8. Lequel nombre 8? Je l'ai pris à partir d'un autre masque, le masque des Gallois. Voici donc, brièvement, défini, les véritables connaissances derrière le secret et le sacré. Avez-vous des questions? J'en ai terminé. Avez-vous des questions? Donc, désormais, ça va être comme ça. Je vais respecter le consigne des grands maîtres. Ils m'ont dit juste 30 minutes. 30 minutes suffiront pour que le peuple te comprenne. Et ensuite, demande-leur de poser des questions. Battery 70%. Samsung Galaxy S7 Edge. Bien, je vais examiner donc les questions.